dans notre rap. Plus que demain, le 2, ça va arriver dans la nuque. Ah, hey. Exclusif de Planète Rap en s'abonnant maintenant sur la chaîne de Skyrock.